Deuxième partie, au clair de lune. Chapitre 19, la clé. L'antichambre était l'un des ascenseurs les plus convoités de toute la cité ciel. Il était aménagé comme un boudoir et l'on pouvait y goûter toutes sortes de thés. On l'appelait l'antichambre parce que lui seul menait au clair de lune le domaine d'Archibald. Ne pouvaient monter à son bord que les invités de l'ambassadeur, ceux qui se distinguaient par le lignage et par l'extravagance. Sans doute à cause de son poids, c'était aussi l'ascenseur le plus lent. Il mettait une demi-heure pour effectuer son trajet. Guindé dans son uniforme, Ophélie croisait les jambes, les dépliait, les recroisait, se frottait les chevilles l'une contre l'autre. C'était la première fois de sa vie qu'elle portait un vêtement d'homme. Elle ne savait pas quelle posture adopter et ses bas de chausses lui grattaient horriblement les mollets. Assise dans un fauteuil confortable, tasse de thé à la main, Bérénilde lui jeta un coup d'œil désapprobateur. « J'espère que vous ne gesticulerez pas ainsi chez l'ambassadeur. Vous vous tiendrez droite, les talons serrés, le menton haut et le regard baissé. Ne faites surtout rien de vos 10 doigts que je ne vous demanderai expressément. » Elle reposa sa tasse de thé sur un guéridon et fit signe à Ophélie d'approcher. Elle prit délicatement ses mains gantées dans les siennes. Ophélie se raidit aussitôt à ce contact. Bérénilde paraissait de bonne composition depuis la visite surprise d'Archibald, mais les sautes d'humeur de cette lionne étaient imprévisibles. « Ma douce petite, n'oubliez jamais que seule la livrée est porteuse de l'illusion. Vous avez le visage et le buste d'un homme, mais vos mains et vos jambes sont celles d'une femme. Évitez tout ce qui pourrait attirer l'attention sur elle. » Des mains de femme. Ophélie contempla ses gants de liseuse aussi noirs que sa livrée et plissa plusieurs fois les doigts pour aider le tissu neuf à se faire. Elle avait renoncé à sa vieille paire habituelle pour une de celles que lui avait offertes sa mère. Elle ne voulait rien porter sur elle qui pût éveiller les souvenirs d'Archibald. « Ce déguisement est aussi humiliant qu'indécent !» persifla la tante Roseline. « Faire de ma nièce votre valet. Si ma sœur apprenait cela, toutes ses épingles se dresseraient sur sa tête. »« La chance tournera, » assura Bérénilde avec un sourire confiant. « Un peu de patience, Madame Roseline. »« Un peu de patience, » répéta la grand-mère de Thorne avec un sourire gâteux. « Un peu de patience. » Trop âgée pour être séparée de sa fille, la vieille dame s'était jointe à la suite de Bérénilde. Ophélie l'avait toujours vue habillée en toute simplicité. C'était un véritable spectacle de la voir affublée de son grand chapeau à plumes et de sa robe de damas bleu. Son long cou de tortue avait presque entièrement disparu sous les rangées de perles. « De la patience ? Il me semble que nous n'en avons guère manqué jusqu'à présent, » observa froidement la tante Roseline. Bérénilde adressa une œillade malicieuse à l'horloge de l'antichambre. « Nous serons arrivés dans 15 minutes, cher ami. Je vous conseille de les mettre à profit pour perfectionner vos « oui, madame » et pour nous resservir de ce délicieux thé aux épices. »« Oui, madame !» articula la tante Roseline avec un accent du Nord très exagéré. Bérénilde cambra les sourcils de satisfaction. Elle portait une robe claire à collerette et une perruque d'une hauteur vertigineuse qui évoquait une pièce montée en sucre glace. Elle était aussi lumineuse que la tante Roseline était austère dans sa toilette stricte de dame de compagnie. Son minuscule chignon lui tirait tellement la peau du front qu'elle n'avait plus la moindre ride d'expression. « Vous êtes fière, Madame Roseline. » soupira Bérénilde en sirotant son thé aux épices. « C'est une qualité que j'aime trouver chez une femme, mais elle n'a pas sa place chez une dame de compagnie. Bientôt, je vous adresserai la parole avec hauteur, et vous ne devrez me répondre que par « oui, madame » ou par « bien, madame ». Il n'y aura plus ni de « je » ni de « vous » entre nous. Nous ne serons plus du même monde. Vous sentez-vous capable d'endurer cela ? Reposant la théière d'un geste sec, la tante Roselyne se redressa dans toute sa dignité. « Si c'est dans l'intérêt de ma nièce, je me sentirais même capable de récurer votre pot de chambre. » Ophélie mordit le sourire qui lui vint aux lèvres. La tante avait une façon très personnelle de remettre les gens à leur place. « J'attends de vous deux la plus grande discrétion et une obéissance inconditionnelle, » déclara Bérénilde. « Quoi que je fasse ou quoi que je dise, à l'une comme à l'autre, je ne tolérerai aucun regard de travers. Surtout, ne trahissez jamais votre animisme devant témoins. Au premier faux pas, les mesures que je me verrai obligé de prendre seront exemplaires, dans notre intérêt à toutes les quatre. » Sur cet avertissement, Bérénilde croqua dans un macaron avec une volupté amoureuse. Ophélie consulta l'horloge de l'ascenseur. Encore 10 minutes avant le clair de lune. Peut-être était-ce le soulagement de quitter sa prison dorée, mais elle n'éprouvait aucune appréhension. Elle se sentait même curieusement impatiente. L'inertie, l'attente, la vacuité de son existence au manoir, tout cela aurait fini par l'éteindre peu à peu, jusqu'à la réduire en tas de cendres le jour de son mariage. Ce soir, elle se remettait enfin en mouvement. Ce soir, elle allait voir des visages inconnus, découvrir un nouvel endroit, en apprendre davantage sur les rouages de ce monde. Ce soir, elle ne serait plus la fiancée de l'intendant, mais un simple valet, anonyme parmi les anonymes. Cette livrée était le meilleur poste d'observation dont elle pouvait rêver. Elle avait la ferme intention de s'en servir au mieux. Elle regarderait sans être vue. Elle écouterait en restant muette. Peu importait ce que pensait Thorne, Ophélie avait l'intime conviction qu'il ne pouvait pas y avoir que des hypocrites, des corrompus et des meurtriers sur cette arche. Il existait forcément des gens dignes de confiance, à elle de savoir les repérer. « Le manoir m'a changé », constata-t-elle en jouant des doigts dans ses gants neufs. Sur Anima, Ophélie ne s'intéressait qu'à son musée. Elle était devenue, aujourd'hui, par la force des choses, plus curieuse des autres. Elle éprouvait le besoin de se chercher des points d'appui, des personnes honnêtes qui ne la trahiraient pas pour des rivalités de clan. Elle refusait de ne dépendre que de Thorne et de Bérénilde. Ophélie voulait se forger sa propre opinion, faire ses choix personnels, exister par elle-même. Ce fut lorsqu'il ne resta plus que 3 minutes à l'horloge de l'ascenseur qu'un doute vint entacher ses belles résolutions. « Madame, murmura Ophélie en se penchant vers Bérénilde, croyez-vous qu'il y aura des mirages au bal de M. Archibald ?» Occupée à repoudrer son nez, Bérénilde lui retourna un regard stupéfait, puis éclata d'un rire cristallin. « Bien entendu ! Les mirages sont des personnalités incontournables. Ils sont de toutes les réceptions. Vous en croiserez continuellement au clair de lune, ma petite. » Ophélie fut déconcertée par une telle insouciance. « Mais la livrée que je porte, c'est une confection mirage, n'est-ce pas ? N'ayez crainte, personne ne la reconnaîtra. Vous êtes un domestique, tout ce qu'il y a de plus insignifiant, sans personnalité ni signe distinctif. Des centaines de valets vous ressembleront, au point qu'on ne pourra faire aucune différence entre vous et eux. » Ophélie leva la tête et contempla le reflet de mime sur la glace du plafond. Une face palichonne, un nez effacé, des yeux inexpressifs, des cheveux peignés comme il faut. Bérénilde devait certainement avoir raison. « Mais vous, madame, reprit Ophélie, cela ne vous inquiète pas de côtoyer des mirages à visage découvert ? Ils sont pourtant vos ennemis jurés. Pourquoi m'en inquiéterais-je ? Le clair de lune est un asile diplomatique. On y conspire, on y médit, on y menace, mais on n'y assassine certainement pas. Même les duels judiciaires y sont interdits. » Des duels judiciaires ? Ophélie n'aurait jamais cru trouver ces deux mots dans la même phrase. « Et si nous tombons sur Freyja et son mari ? » insista-t-elle. « Votre famille sait que je suis placée sous votre protection. Ne devineront-ils pas que je me cache dans votre suite ?» Relevant les pans de sa robe, Bérénilde se mit gracieusement debout. Vous ne croiserez jamais ma nièce au clair de lune. Elle n'y a pas ses entrées, à cause de ses manières brutales. Tranquillisez-vous donc, mon enfant. Nous arrivons à destination. » De fait, l'ascenseur ralentissait. Ophélie échangea un regard avec Roselyne. En cet instant, elles étaient encore tante et nièce, marraine et filleule, mais bientôt, leur rapport deviendrait purement formel, tel qu'ils doivent être entre une dame de compagnie et un valet muet. Ophélie ignorait quand elle aurait l'occasion de lui reparler librement aussi. Son dernier mot fut pour cette femme qui lui sacrifiait son confort et son orgueil. « Merci. » La tante Roselyne étreignit brièvement sa main dans la sienne. Les grilles dorées de l'antichambre s'ouvrirent sur le domaine du clair de lune, du moins c'est ce à quoi s'était attendu Ophélie. Elle fut déconcertée de découvrir, à la place, une grande salle des pas perdus. C'était un endroit éblouissant, avec un carrelage en damier, de gigantesques lustres en cristal et des statues en or qui portaient des corbeilles de fruits. Suivant les directives de Bérénilde, Ophélie se chargea de pousser le chariot à bagages hors de l'ascenseur. Il était encombré de malles si lourdes qu'elle avait l'impression de déplacer une maison de briques. Elle s'empêcha de dévorer du regard les plafonds peints de la salle des pas perdus. De nombreux paysages s'y animaient de façon spectaculaire. Ici, le vent soufflant dans les arbres, là, des vagues menaçant de déborder sur les murs. Ophélie dut se retenir aussi de dévisager les nobles emperruqués qu'elle essayait d'éviter avec son chariot. Ils étaient maquillés à outrance, parlaient d'une voix aiguë et prenaient des postures maniérées. Ils s'exprimaient avec une telle préciosité, des tournures de phrases si alambiquées, qu'Ophélie les comprenait à peine. Et ce n'était pas une question d'accent. Ils portaient tous des paupières aux sourcils, la marque des mirages. Dès que les nobles reconnurent la belle Bérénilde, ils lui adressèrent les plus excentriques et cérémonieux saluts auxquels elle répondit d'un battement de cils distrait. Ophélie aurait vraiment cru aller voir qu'il n'y avait aucune rivalité entre eux. Bérénilde prit place avec sa mère sur une banquette de velours. Il y en avait de semblables à travers toute la salle des pas perdus. Beaucoup de dames s'y éventaient impatiemment. Ophélie gara le chariot à bagages derrière la banquette de Bérénilde et resta debout, talons soudés. Elle ne comprenait pas ce qu'elles attendaient exactement ici. La soirée était déjà bien avancée et Archibald allait finir par trouver insultant le retard de son invité d'honneur. Sur un banc voisin, une vieille dame en rose donnait un coup de brosse à ce qu'Ophélie supposa être un lévrier à poils longs. Il était haut comme un ours, portait au cou un ridicule ruban bleu et émettait un bruit de locomotive à vapeur dès qu'il sortait la langue. Elle ne s'était pas préparée à voir une bête dans un endroit comme celui-ci. Soudain, le silence se fit dans la salle des pas perdus. Tous les nobles se retournaient sur le passage d'un homme rond comme un tonneau. Il marchait d'un petit pas pressé, un immense sourire aux lèvres. À voir son uniforme, noir à galons d'or, Ophélie déduisit qu'il s'agissait d'un majordome en chef. Bérénilde lui avait fait apprendre par cœur la hiérarchie des domestiques. Mais il en avait si peu l'allure qu'elle avait des doutes. Il tanguait sur ses jambes et portait sa perruque de travers. « Mon bon Gustave !» l'interpella un mirage d'une voix onctueuse. « Mon épouse et moi-même patientons ici depuis 2 jours. J'ose croire que ce n'est là qu'un petit oubli de votre part. » Il avait dit cela en glissant discrètement dans la poche du majordome un petit objet qu'Ophélie ne reconnut pas, car il se tenait trop loin. Le majordome tapota sa poche d'uniforme d'un air flatté. « Il n'y a aucun oubli, monsieur. Monsieur et madame figurent sur la liste d'attente. » « Mais nous attendons depuis 2 jours déjà !» insista le mirage d'un ton plus crispé. « Et d'autres depuis plus longtemps encore, monsieur. » Sous le regard interdit du mirage, le majordome reprit son petit pas pressé et offrit un sourire radieux à tous les nobles qui se présentèrent devant lui. L'un mit en avant sa plus jeune fille en louant son esprit et sa beauté, un autre vantait la qualité exceptionnelle de ses illusions, même la vieille dame en rose obligea son lévrier géant à faire le beau pour impressionner le majordome, mais celui-ci fendait l'assemblée sans céder à personne. Il ne s'arrêta qu'une fois parvenu à la banquette de Bérénilde et là, s'inclina si profondément qu'il faillit perdre sa perruque, mal attachée. « Mesdames, monsieur l'ambassadeur vous attend. » Bérénilde et sa mère se levèrent sans un mot, puis suivirent le majordome. Ophélie eut du mal à faire rouler son chariot à travers la foule de nobles indignés. Le majordome Gustave les fit passer au fond de la salle par une porte que gardaient des gendarmes à l'air peu commode. Ils se retrouvèrent aussitôt dans l'allée d'une roseraie. Ophélie leva les yeux et découvrit, entre les arceaux de roses blanches, une vaste nuit étoilée. Le clair de lune portait bien son nom. La tiédeur de l'air était si suave, le parfum des fleurs si enivrant, qu'elle ne douta pas un instant qu'il venait de pénétrer dans une illusion. Une très ancienne illusion même. Le journal d'Adélaïde lui revint en mémoire. « Madame l'ambassadrice nous a aimablement reçus dans son domaine, où il règne une éternelle nuit d'été. » Archibald avait donc hérité le domaine de son aïeul, tandis qu'Ophélie marchait sur les traces de la sienne. C'était un peu comme si l'histoire se répétait. La voix au perché du majordome la fit redescendre sur terre. « C'est un honneur d'escorter madame » gloussa-t-il en s'adressant à Bérénilde. « Oserais-je avouer à madame que je partage sans retenue l'estime que monsieur l'ambassadeur nourrit à son endroit ?» La tante Roseline leva les yeux au ciel en l'entendant. À cause des empilements de mâles sur son chariot à bagages, Ophélie ne pouvait pas bien voir ce qui se passait devant elle. Elle profita d'un tournant dans l'allée de la roseraie pour regarder plus attentivement cet étrange majordome. Avec sa grosse face hilare et son nez violacé d'ivrogne, il lui faisait plus penser à un personnage de cirque qu'à un domestique. « Je ne l'ignore pas, mon dévoué Gustave, » susurra Bérénilde. « Je vous suis redevable de plus d'un service. Et je vous en devrai un autre lorsque vous m'aurez brossé en deux coups de pinceau le tableau actuel du clair de lune. » Comme le mirage avant elle, Bérénilde remit discrètement un petit objet au majordome. Perplexe, Ophélie vit qu'il s'agissait d'un sablier. On échangeait donc ici des faveurs contre de simples sabliers. Les lèvres de Gustave se délièrent aussitôt. « Il y a du monde, madame, et pas du menu fretin. Après toutes les rumeurs qui ont circulé autour de l'indisposition de madame, les rivales de madame ont refait une apparition très remarquée à la cour. De vilaines langues ont même évoqué les symptômes d'une disgrâce. Mais que je sois pendu si j'y ai prêté une oreille complaisante. Les rivales ne m'inquiètent pas tant que les rivaux, dit Bérénilde d'un ton léger. Je ne cache pas à madame que monsieur le chevalier compte au menu du jour. Il a accouru ici, sitôt qu'il a appris que madame serait l'hôte du clair de lune. Monsieur le chevalier a ses entrées partout à la cour, et même quand il serait préférable qu'il ne se montre pas, il n'en fait toujours qu'à sa tête. J'espère que sa présence n'indisposera pas madame. Il y eut un long silence, seulement perturbé par les roues du chariot à bagages sur les pavés de la roseraie. Ophélie avait mal au bras, mais elle brûlait d'en apprendre davantage. Qui était donc ce chevalier qui semblait mettre Bérénilde mal à l'aise? Un amant y conduit? Des membres de ma famille seront-ils présents aussi? Demanda seulement Bérénilde. Le majordome eut une toux faussement embarrassée qui ressemblait plutôt à un rire étouffé. « Monsieur et mesdames les dragons ne sont pas très appréciés par monsieur l'ambassadeur sous votre respect, madame. Ils mettent toujours tellement de désordre quand ils viennent. »« Archibald m'ôte une épine du pied, » approuva Bérénilde d'un ton badin. « Gardez-moi de mes amis. Je m'occupe de mes ennemis. Les mirages ont au moins le bon sens de ne pas se déchirer entre eux. » Que madame n'ait aucune inquiétude, monsieur mon maître a réservé pour madame ses propres appartements. Madame y sera en parfaite sécurité. Maintenant que ces dames veuillent bien m'excuser, je vais les annoncer auprès de monsieur. Faites, mon gentil Gustave, dites à Archibald que nous arrivons. Le majordome s'éloigna de son petit pas pressé. Ophélie faillit perdre l'équilibre en voulant le suivre des yeux. Une roue de son chariot à bagages s'était coincée dans une malformation du pavé. Alors qu'elle jouait des bras pour la dégager, elle eut un aperçu de la route qui lui restait encore à parcourir. Le chemin d'arceaux de la roseraie était prolongé par une immense allée ponctuée de grands bassins. Le château d'Archibald se dressait tout au fond, en pierre blanche et ardoise bleue. Il sembla à Ophélie presque aussi inaccessible que la fausse lune dans le ciel. Nous allons prendre un raccourci, annonça Bérénilde en offrant le bras à sa mère. Elles longèrent un grand parterre de violettes qui donna l'impression à Ophélie qu'il s'agissait plutôt d'un détour. Elle commençait à avoir des crampes dans les mains. Bérénilde s'engagea sur un pont qui, enjambant un petit canal, donnait sur d'autres jardins, puis, sans prévenir, elle tourna sur elle-même dans un gracieux mouvement de robe. Ophélie dut freiner des deux pieds pour ne pas la heurter avec son chariot. « À présent, écoutez-moi bien, » chuchota Bérénilde. « Le majordome qui vient de s'entretenir avec moi est l'homme le plus fourbe et le plus vénal du clair de lune. Il cherchera à vous corrompre un jour ou l'autre, dès que quelque ami à moi, côté mirage ou côté dragon, lui offrira un bon prix en échange de ma vie ou de celle de mon enfant. Vous ferez semblant d'accepter son offre et m'en aviserez au plus tôt. Est-ce clair ?»« Comment donc ?» hoqueta la tante Roseline. « Je croyais que l'on ne s'assassinait pas ici, que c'était un asile diplomatique. » Bérénilde lui adressa un sourire venimeux qui lui rappela que, à part des « oui, madame », elle ne voulait plus rien entendre de sa bouche. « On ne s'assassine pas, » répondit-elle néanmoins, « mais il arrive qu'il y ait des accidents inexpliqués. Ils peuvent être aisément évités, à condition de rester vigilant. » Bérénilde avait prononcé ce dernier mot avec un regard significatif pour la silhouette de Mime, figée derrière le chariot à bagages. Sous le visage neutre de l'illusion, Ophélie était consternée. Dans son esprit, les domestiques étaient des personnes foncièrement différentes des nobles, des âmes pures comme Pistache. De savoir qu'elle devrait se méfier d'eux aussi lui brouillait tous ses repères. Comme Bérénilde aidait sa mère à descendre la pente du pont, Ophélie poussa machinalement son chariot derrière elle. Elle mit un temps à réaliser que le paysage sur l'autre berge n'était pas celui qui aurait dû s'y trouver. Au lieu de violettes, elle traversait maintenant un bois de saules pleureurs. Un petit air de valse flottait dans l'atmosphère. Ophélie leva les yeux et vit, par-dessus les ondulations des feuillages, le château d'Archibald qui élançait ses tourelles blanches dans la nuit. Le petit pont les avait transportés d'un bout à l'autre du domaine. Ophélie avait beau réfléchir, elle ne comprenait pas comment des illusions pouvaient jouer ainsi avec les lois de l'espace. Dans les jardins du château, des couples en costume d'apparat dansaient à la lumière des lampadaires. Plus Bérénilde et sa suite approchaient, plus la foule se faisait dense, mère de perruques et de soie. Dans le ciel, la fausse lune était aussi éblouissante qu'un soleil de nacre et les fausses étoiles évoquaient un véritable feu d'artifice. Quant à la demeure d'Archibald, elle était digne d'un château de conte de fées, avec ses tours coiffées de toits pointus et ses innombrables vitraux. En comparaison, le manoir de Bérénilde faisait figure de maison de campagne. Ophélie ne resta pas longtemps sous le charme du décor. Les danseurs suspendaient leur valse au fur et à mesure que Bérénilde s'avançait parmi eux, calme comme un lac. Ils avaient tous pour la favorite des sourires aimables et des mots de sympathie, mais leur regard était plus froid que de la glace. Les femmes en particulier chuchotaient sous le couvert des éventails, en se montrant des yeux le ventre de Bérénilde. Il émanait d'elle une telle hostilité qu'Ophélie en avait la gorge nouée. « Bérénilde ou l'art de se faire désirer !» s'exclama une voix moqueuse par-dessus la musique et les rires. Ophélie se crispa derrière son chariot à bagages. C'était Archibald, son gibus troué dans une main, une vieille badine dans l'autre, qui venait à leur rencontre d'un pas alerte. Il traînait dans son sillage une floraison de jeunes filles ravissantes. À l'arrivée du maître des lieux, tous les domestiques présents dans les jardins s'inclinèrent. Ophélie calqua sa posture sur la leur. Elle décrocha les mains de son chariot, se pencha avec raideur et fixa la pointe de ses souliers aussi longtemps qu'eux. Quand elle se redressa enfin, elle ne se laissa pas émouvoir par le franc sourire ni les grands yeux ciel d'Archibald alors qu'il baisait la main de Bérénilde. Elle lui tenait un peu rigueur de lui avoir dissimulé la particularité de sa famille. Venant d'un homme qui prétendait ne pas pouvoir mentir, elle considérait cette omission comme une petite trahison. « C'est mal connaître une femme que la vouloir ponctuelle, » répondit Bérénilde d'une voix malicieuse. Demandez donc à vos sœurs. » Elle serra tour à tour les jeunes filles contre son cœur, comme si elles étaient toutes ses enfants. « Patience, Mélodie, Grâce, Clermonde, Gaieté, Friande, et voilà ma petite Douce, » conclut-elle en étreignant la plus jeune des sept. « Vous m'avez tellement manqué. » À l'abri des paupières mi-closes de Mime, Ophélie fit glisser son regard d'une sœur à l'autre. Elles étaient toutes si jeunes, si blondes, si délicates dans leurs robes blanches qu'on aurait pu croire à un jeu de miroir. Les adolescentes répondirent aux accolades de Bérénilde avec une tendresse qui était certainement plus sincère que la sienne. Il y avait une réelle admiration dans leurs beaux yeux limpides. Les sept sœurs portaient sur le front la marque de la toile. Si Ophélie croyait orne, chacune d'elles avait donc vu son visage à travers les yeux de leurs frères. Glisserait-elle une allusion à son sujet devant Bérénilde? Si tel devait être le cas, Ophélie se félicita de ne pas avoir donné son vrai nom cette nuit-là. « Vous êtes venue en petite escorte, à ce que je vois, » constata Archibald. Il fit un baise-main galant à la grand-mère, toute rose de plaisir, puis tourna un sourire franchement amusé vers la tante Roseline. Elle était si guindée et si glaciale dans sa robe noire qu'elle détonnait au milieu des couleurs du bal. Rien que pour cela, Archibald paraissait la trouver captivante. « Madame de compagnie, » la présenta Bérénilde avec négligence, « je l'ai moins choisie pour le plaisir de sa conversation que pour ses talents de sage-femme. » Les lèvres de la tante Roseline s'amincirent, mais elle prit sur elle de ne rien répliquer et s'en tint à un poli hochement de tête. Lorsqu'Archibald s'approcha du chariot à bagages, Ophélie s'obligea à ne pas avoir de mouvement de recul. Comme par un fait exprès, ses bas de chausses se remirent à lui démanger irrésistiblement les mollets. Elle crut que l'ambassadeur allait pousser son inspection jusqu'à Mime, mais il se contenta de tapoter les malles. « Nous allons installer vos affaires dans mes appartements. Considérez-vous-y comme chez vous. » Le majordome Gustave s'approcha et ouvrit un coffret. Archibald en sortit une belle chaîne d'argent où pendait une ravissante petite clé, sertie de pierres précieuses. Bérénilde tourna gracieusement sur elle-même pour qu'il pût enfiler la chaîne à son cou. Cette étrange cérémonie fut applaudie du bout des doigts par l'assemblée. « Et si nous dansions un peu ?» proposa Archibald avec un clin d'œil. « Ce bal est en votre honneur, après tout. » « Je ne dois pas trop forcer, » rappela Bérénilde en posant une main protectrice sur son ventre. « Juste une valse ou deux, et vous avez la permission de me marcher sur les pieds. » Ophélie observa leur petit manège avec une certaine fascination. Sous le jeu des manières légères presque enfantines, ces deux-là semblaient se dire autre chose en silence. Archibald n'était pas le chevalier servant auquel il voulait faire croire. Bérénilde le savait, et Archibald savait que Bérénilde le savait. Qu'est-ce que l'un attendait réellement de l'autre dans ce cas? Obéissait-il aveuglément aux ordres de Farouk ou essayait-il d'en tirer le meilleur parti possible? Ophélie se le demandait certainement autant qu'eux, tandis qu'ils s'éloignaient, aux bras l'un de l'autre. Son cœur se remit lentement en marche. Archibald ne l'avait pas même effleuré du regard. Ophélie avait beau se savoir méconnaissable, c'était un vrai soulagement d'avoir remporté cette première épreuve avec succès.